Difficile de caser une lecture dans votre emploi du temps? Avec le livre audio, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et aussi des podcasts sur votre smartphone. Des coachings audio aux fictions sonores, explorez notre catalogue. N'attendez plus. Téléchargez l'appli Audible et vibrez au son des livres. Il est 5h55, nous retrouvons Franck Ferrand pour Aujourd'hui dans l'Histoire. Et Franck, aujourd'hui vous nous parlez du 19 mars 1815 et c'est ce jour-là que vous avez choisi de nous raconter ce matin. Oui, vous vous rappelez, l'autre jour, je vous ai parlé du débarquement de Napoléon à Golfe-Juan. Mais on revient sur l'époque des 100 jours. Alors, rappelez-vous, Napoléon revenait de l'île d'Elbe, bien entendu, où l'avaient exilé les Alliés. Mm-hmm. Il débarque, il a fait du chemin depuis, bien sûr. Il est même aux portes de Paris en ce 19 mars 1815. Celui qui a pris sa place aux Tuileries, le roi Louis XVIII, le frère de Louis XVI, n'a plus le choix. Il doit faire ses malles et, à son tour, reprendre le chemin de l'exil. Et alors, où va-t-il, Franck ? Alors, Louis XVIII et sa cour ont pris le chemin du nord, où se trouvent leurs alliés anglais. Ils vont finir par s'installer à Gand, en Flandre orientale. 10 jours de calèche, 300 kilomètres parcourus. Ça ressemble tout de même piteusement à une fuite, tout ça. Et disons-le, pour le roi obèse et pour sa cour, de même que pour tous ses fidèles, ça commence à ressembler à une mauvaise plaisanterie, puisque dites-vous qu'avant de devenir roi, celui qui, à l'époque, s'appelait encore le comte de Provence, a passé près d'un quart de siècle en exil, de 1791 à 1814. Il avait cru être débarrassé de Napoléon, et voilà que l'ogre est de retour. Car Napoléon se réinstalle au pouvoir. Il va s'y réinstaller dans les jours qui suivent et instaurer une version remaniée, modernisée, si vous voulez, de l'Empire. Alors, vous savez ce qu'il en est. Si l'on parle des 100 jours, c'est que l'expérience n'a duré que 3 mois, jusqu'au 18 juin et à la bataille de Waterloo. À ce moment-là, Louis XVIII va rentrer de nouveau à Paris, mais dans les fourgons de l'étranger, comme on disait. C'est vrai que cette seconde restauration se fera sans joie, sous condition, avec occupation militaire des Alliés, moyennant dommages de guerre et des dommages écrasants. Bref, c'en est fini des dernières illusions de Louis XVIII, dont les 10 années de règne seront en quelque sorte une sorte de long sursis. Franck, on vous retrouve tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Ah oui, nous évoquerons les projets utopistes de Monsieur Fourier, notamment son fameux phalanstère. Eh bien, merci Franck Ferrand. À tout à l'heure, donc 14h pour Au cœur de l'histoire.